Saint-Louis rendra la justice. Maintes fois, il arriva à Saint-Louis, en été, d'aller s'asseoir au bois de Vincennes après avoir entendu la messe. Il s'adossait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient un différend venaient lui parler, sans qu'aucun huissier ni personne y mît obstacle. Et alors, il leur demandait de sa propre bouche, « Y a-t-il ici quelqu'un qui ait un litige ?» Ceux qui avaient un litige se levaient, et alors il disait, « Taisez-vous tous, et on réglera tous vos litiges l'un après l'autre. » Il appelait alors Mgr Péron de Fontaine et Mgr Geoffroy de Villette, et disait à l'un d'eux, « Réglez-moi cette affaire. » Et quand il voyait quelque chose à corriger, dans les paroles de ceux qui parlaient pour lui, ou dans les paroles de ceux qui parlaient pour autrui, il le corrigeait lui-même de sa bouche. Je le vis quelquefois, en été, venir, pour régler le litige de ces gens, dans le jardin de Paris, vêtu d'une cotte de camelot, d'un surcot de tiretaine sans manches, un manteau de soie noire autour du cou, très bien peigné, sans coiffe, un chapeau de paon blanc sur la tête. Il faisait étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui, et tous les gens qui avaient affaire par devant lui l'entouraient debout. Alors, il faisait trancher leur litige de la manière que je viens de vous dire pour le bois de Vincennes.